t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. C'est ce que te dit ton patron à longueur de journée, parce que ton travail n'est pas la hauteur de ta société, mais toi, t'en as rien à branler. Son boulot de merde, t'en as rien à chier. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Lors d'une réunion, tu pouvais pas en placer une, tu t'es résigné, t'es tombé dans les bras de Morphée, tu passes inaperçu, mais tu t'es mis à ronfler. Ton patron s'est énervé et tu lui as dit, t'en avais rien à chier. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. T'es sur le net tranquille, en train de glandouiller, quand ton boss te demande où se trouve le dossier André. Tu lui dis sans sourciller que tu l'as paumé. Docteur Fernito, je fais vraiment le dernier dossier. Là ça va être compliqué. Il va te le faire payer. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Il tente à tous les moyens de te faire démissionner en te filant tous les dossiers pourris de la société. Il veut à tout prix éviter de payer des indemnités, mais toi, t'en as rien à chier. Tu continues à rien branler. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. La goutte d'eau qui a fait déborder le godet, c'est quand t'es arrivé au boulot complètement torché. Tu t'es vu à pousser dans le tourniquet d'entrée. En guise de bonjour pour ton boss, tu lui as vomi sur les pieds. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Enfin résigné à t'envoyer au choc du ton travail apparemment n'est pas assez appliqué. Mais t'en as rien à foutre, tu l'as fait cocu. Hein? Et sa femme t'a raconté qu'il était mal monté. T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Maintenant sa femme l'a quitté et lui a piqué son bleu. Tu sirotes une bière tranquille sur son balcon. Tu chies dans ses toilettes en lisant des BD. C'est qui les zéro mec? Eh du con! T'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro. Wow, wow, t'es un zéro.